Exercice 12, page 113. Il ne sent plus ses pieds, il a l'impression de voler. Il lui faut un exercice plus difficile. Il a tant d'énergie à dépenser qu'il courrait bien tout de suite jusqu'à New York.